club, fermer des polygames et des cocus, ne me dis guère. Je suis juste amoureux des femmes, sans être un fan de l'adultère. Y'a tant de belles femmes qu'on ne peut pas en aimer qu'une. Si tu aimes les blondes, je prendrai bien les brunes. Y'a tant de belles femmes qu'on ne peut pas en aimer qu'une. Je veux bien qu'elles me tondent, quitte à laisser des plumes. Y'a tant de belles femmes qu'on ne peut pas en aimer qu'une. Y'a tant de belles femmes qu'on ne peut pas. Y'a tant de belles femmes qu'on ne peut pas en aimer qu'une. Y'a tant de belles femmes qu'on ne peut pas. Je ne suis pas un type facile qui branche tout et n'importe quoi. Je suis juste amoureux des filles qui ont deux jambes et puis deux bras. Y'a tant de belles femmes qu'on ne peut pas en aimer qu'une. Si tu aimes les blondes, je prendrai bien les brunes. Y'a tant de belles femmes qu'on ne peut pas en aimer qu'une. Je veux bien qu'elles me tondent, quitte à laisser des plumes. Y'a tant de belles femmes qu'on ne peut pas en aimer qu'une. Y'a tant de belles femmes qu'on ne peut pas. Y'a tant de belles femmes qu'on ne peut pas en aimer qu'une. Y'a tant de belles femmes qu'on ne peut pas. Aimez cette chanson, vous qui avez le cœur en guimauve, créons vite une association pour les poilus et les chauves. Y'a tant de belles femmes qu'on ne peut pas en aimer qu'une. Si tu aimes les blondes, je prendrai bien les brunes. Y'a tant de belles femmes qu'on ne peut pas en aimer qu'une. Laisse-moi deux secondes que j'en parle à ma blonde. Hé, hey, non, ouais, non, oui, c'est une chanson. Non mais le problème. Oh, c'est bon, ouais, gna gna gna gna gna.